Depuis way back, dans Fantasia 10, le black kid on the block, yo. I used to play ball and call the shots. Props, c'est que je l'ai vu rock le spot. Hot stuff, yo. Au first touch, y'avait much lust, enough trust. Mes black nuts sur son back bus, pack plus. Pour love, love, j'aurais kill still. Taste cool still, for real, ce que j'feel, c'était fuck. Cold crush, d'un blood rush, le pain fait ta face blush. Hush, taz, y'a plus de face quand ton crush crash. Peace, love, t'es mon sweet love. Même si t'es gone, t'es mon sweet love. Tough love is so hard to resist. Tough love, I've gotta find a way out of here. Tough love is so hard to resist. Tough love, I've gotta find a way out of here. Love, love, laisse sa trace. Black heart, stab hearts like sharp darts. Forget charts, à cause de son charm. She was tall, sexy. Love bug, love hugs, burn drugs, crazy. Love, love got me shook. Love, love got me shooky. I just wanna be happy, yeah. My whole world turned upside down. I wanna know if it's for real. What be love, love's never real. Y'avait pas de beefs, silk sheets. Talk shit sur mes rap peeps. On était tight comme Bonnie and Clyde. See, love, love died. Ties died too. Tough love. It's so hard to resist. Tough love, I gotta find a way out of here. Tough love, it's so hard to resist. Tough love, I gotta find a way out of here. Love, love, c'est ma princess. Qu'est-ce qu'on vit, c'est un mess, lèche, reste blessé. T'as hate en pleine cible, en toi pis moi c'était pas possible. Je sais, juste un dernier props avant que je bounce. Love, love, laisse sa trace. Black heart, stab hearts like sharp darts. Hush, the cold crush, blood rushing. J'rush ma fin depuis tes grondes. Love, love, ceux qui partent sont wrong. Nous autres on cry sur des love songs. C'était ma white pearl in my world. Girl, nobody else could be my girl. Word. Peace, love, t'es mon sweet love. Même si t'es bon, t'es mon sweet love. Tough love, it's so hard to resist. Tough love, I gotta find a way out of here. Tough love, it's so hard to resist. Tough love, I gotta find a way out of here. Make it more sensual. It's so hard.